نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون Chers croyants, certes le bonheur, la joie, l'apaisement et la félicité est le but recherché par l'ensemble des serviteurs. Il n'y a pas une personne sur terre sans que son but, à travers ses paroles, ses actions, ses agissements et ses silences, soit la recherche de ce bien-être, de ce bonheur. L'ensemble recherche le bonheur. Même les pervers qui s'adonnent aux pires crimes et désobéissances recherchent une jouissance, un plaisir et le bonheur. Alors qu'en faisant ces actions, ils anéantissent peut-être leur bas-monde avant même leur au-delà. Et ce bonheur se concrétise qu'avec trois points qu'il nous faut réunir. Le premier point, lorsqu'Allah te donne, tu dois te montrer reconnaissant. Le deuxième point, lorsqu'on t'éprouve, tu dois te montrer endurant. Enfin, le troisième point, lorsque l'on commet un péché, on doit se montrer repentant. Le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, au début de son livre Al-Wab al-Sayyib, nous dit que ces trois choses-là, si tu les vois sur une personne, voici les signes de la réussite. Idha u'tiya shakara, wa idha btuliya sabara, wa idha adhnaba istaghfara. Et au début de l'Qawa'id al-Arba'a, le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala a mentionné cela. Et nous voici à la fin du noble mois de Ramadan. C'est comme si on se rappelait l'entrée de ce noble mois. Et nous voici déjà aux portes du mois de Shawwal. Il nous reste que quelques nuits, ayyaman ma'doudat, des jours déterminés, Allah nous dit dans son livre. Et à la fin des bonnes œuvres, Allah nous a légiféré une grande adoration qui est l'istighfar. Celui qui regarde la vie du prophète alayhi salat wa salam la verra remplie d'istighfar, c'est-à-dire de demandes de pardon. Et il a conclu et embelli sa noble vie en finissant sa vie avec l'istighfar. Alors qu'il est, qui vous savez, celui à qui on a effacé, pardonné les fautes passées et futures. L'istighfar est donc une des plus grandes adorations. Notre obligation est d'obéir à Allah Azza wa Jal de jour comme de nuit, sans jamais se lasser. Mais on ne nous a pas créé infaillible, parfait, complet. Alors le jour où Allah a créé les cieux et la terre, il a ouvert la porte de l'istighfar, la porte du repentir. Et elle ne se refermera que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Notre obligation est donc de se repentir pour chaque faute commise Et si on retarde le repentir, il y a deux repentirs à faire. Le premier pour le péché, le second pour avoir retardé le repentir. Et pour avoir l'énergie nécessaire, il te faut connaître ton Seigneur. Et un des points primordiaux pour faire partie de l'Mustaghfirin, c'est d'avoir la conviction ferme qu'Allah c'est Al-Ghaffar, Al-Tawwab, Al-Rahim, wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa arhamur rahimin. Allah c'est le grand accueillant repentir, c'est le pardonneur, le grand pardonneur, le très miséricordieux, il est parfaitement omnipotent et capable de toutes choses. Il n'y a aucun péché qui est trop immense pour être pardonné par Allah. Il n'y a aucun péché qui soit trop nombreux, aussi multiples soient-ils, divers soient-ils, pour qu'Allah Azza wa Jal te les efface tous. Astaghfirullah, c'est une parole. Si tes péchés avaient été semblables à l'écume de la mer, ou la lourdeur des montagnes, aussi nombreux que les gouttes de pluie qui tombent, avec cette parole, Allah Azza wa Jal pourrait tous te les effacer. Subhanahu wa ta'ala, akramul akramin. Mais il te faut avoir cette bonne croyance et cette bonne opinion de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, que tu es un Seigneur parfait, pardonneur, miséricordieux, qui aime entendre de nous, astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Atubu ilallah, je me repens à Allah. C'est pour cela qu'on se doit de toujours être avec un cœur plein de crainte à cause de nos péchés, mais également plein d'espoir de par la bonne opinion que nous avons de notre Seigneur et la connaissance que nous avons de ses nobles noms, de ses attributs parfaits et complets. Subhanahu wa ta'ala. Le serviteur n'est pas infaillible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabu » Tout fils de Adam est pécheur. Et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Ce qui importe, c'est de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et de toujours revenir à lui après avoir enduré face au péché. Si on glisse, il faut immédiatement se rappeler qu'on a un Seigneur qui pardonne les péchés, qui efface les fautes, qui absout les erreurs. C'est pour cela que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le très haut dit, Aznaba abdi, faqala rabbi ghfirli. Allah dit, mon serviteur a commis un péché, il a dit, oh mon Seigneur, pardonne-moi. Allah a dit, alima abdi, anna lahu rabban ya'khudhu bidhamb wa yaghfiru dhamb, ghafartu lah. Ce serviteur commet un péché, puis je dis, oh Seigneur, j'ai commis une faute, pardonne-moi. Alors Allah dit, mon serviteur a commis une faute. Et il a su qu'il avait un Seigneur qui saisissait pour les fautes, qui punissait pour les fautes, mais également qui pardonnait les fautes. Je lui ai donc pardonné. Plus tard, le serviteur recommence une faute. Et il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Allah dit, mon serviteur a commis une faute. Et il a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les fautes et qui pardonnait les fautes. Je lui ai donc pardonné. Et cela se réitère 3 fois au minimum dans le hadith. À la fin, Allah dit, فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ. Qu'il fasse ce qu'il veut, je lui ai pardonné. C'est-à-dire, tant qu'il sera avec cet état du cœur, tant qu'il s'efforcera de se repentir, de faire attention à ne pas tomber dans le péché, et dès lors qu'il tombe dans le péché, il se rappelle qu'il a un Seigneur, pardonneur, miséricordieux, qui accepte le repentir, qui aime que son serviteur revienne à lui repentant, humilié, rabaissé, apeuré, effrayé de sa menace, de son courroux, de son châtiment, de son enfer, mais également le cœur rempli d'espoir, de bonne opinion de son Seigneur, parce que c'est le pardonneur, le miséricordieux, celui qui nous couvre nos fautes et qui se réjouit lorsqu'on se repent alors qu'il n'a pas besoin de nous. Tant que tu as cet état du cœur et tant que tu reviens à Allah Azza wa Jal, il te pardonnera. Il te pardonnera. Donc si on voit que nous avons des péchés, il ne faut pas se dire je ne vais pas faire la prière parce que j'ai trop de péchés. Je ne vais pas faire la Umra, le Hajj, parce que j'ai trop de péchés. Au contraire, celui qui a le plus besoin de se laver, celui qui est sale. Est-ce que tu dis à la personne qui a un vêtement sale, ne le lave pas parce que tu vas le salir plus tard? Non, à chaque fois que tu le salis, tu vas le laver, tu vas le reporter. À plus forte raison, nos personnes souillées par nos fautes, nos erreurs, nos péchés, volontaires et involontaires, on doit constamment revenir à Allah Azza wa Jal et savoir qu'on a un Seigneur qui pardonne et les péchés. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit qu'Allah dit لو لم تذنبوا ou plutôt le prophète alayhi salatu wa salam dit لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم. Si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître, aurait amené de nouvelles personnes qui commettent des péchés, demandent pardon pour qu'il leur pardonne. Allah aime tellement entendre astaghfirullah. Allah aime tellement pardonner et aime voir les effets de ses noms sublimes, de ses attributs parfaits dans son univers et sur ses serviteurs, que si nous ne commettions pas de faute, il nous aurait fait disparaître. Allahu Akbar. Ça c'est le Seigneur, ça c'est Allah. Ça c'est le Seigneur des mondes, ça c'est le pardonneur, ça c'est le miséricordieux. C'est celui qui pardonne les fautes et qui accueille le repentir. Et certains se disent, mais moi j'ai fait trop de choses et j'ai atteint tel âge. Est-ce que je peux encore devenir une personne de bien? Mais on est tous cette personne. Ce que tu dis toi, c'est ce qu'on est nous. C'est ce par quoi nous sommes passés, nous. Et on n'est pas meilleur que toi. Si ce n'est qu'il te faut connaître ce verset de Surat Zumar, qui est selon beaucoup de savants, d'entre les 6 milliers de versets de tout le Coran, le verset où il y a le plus d'espoir dans le livre d'Allah. Allahu Akbar. De Surat Al-Fatiha jusqu'à Surat Al-Nas, il n'y a pas un verset qui développe plus l'espoir dans le cœur du serviteur que celui que je vais vous réciter. Quel est donc ce verset qui est meilleur pour nous que tout ce que contiennent les cieux et la terre? Ce verset qui fera que jamais tu ne désespéreras de la miséricorde d'Allah, quelle que soit la situation. Ce verset est قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Allahu Akbar. Tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala ne te dit pas dans ce verset, dis ô vous les pécheurs, dis ô vous les criminels, ô vous les injustes en votre propre personne, ô vous qui m'avez désobéi, ô vous qui méritez la punition de votre Seigneur. Non. Ô vous mes serviteurs. Allah nous appelle avec la douceur. Il s'adresse à chacun de nous dans ce verset. Il s'adresse avec nous avec pitié. Il s'adresse avec nous avec miséricorde, avec douceur, avec mansuétude. Ô vous mes serviteurs. Puis il ne nous dit pas, vous qui avez commis des péchés. Non, vous qui avez désobéi au point de dépasser toutes les limites. Israf. Qui est-ce qu'on appelle ô mon serviteur avec cette douceur? C'est pas celui qui a commis quelques péchés. Asrafou. Ça veut dire qu'ils ont commis énormément de fautes. Pourtant, regardez comment Allah nous appelle dans le Coran. Wa kulluna dhalika al-'abd al-muznib al-dha'if al-dhalim li nafsi. Et on est tous ce serviteur pécheur, faible, injuste envers sa personne. Hadi arja ayatin fi kitab rabbina subhanahu wa ta'ala al-aziz al-ghaffar. C'est le verset où il y a le plus d'espoir dans le livre d'Allah, notre Seigneur le puissant, le grand pardonneur. Le serviteur doit toujours et constamment revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais des efforts pour ne pas commettre de fautes. Et si jamais tu connais une faute, ne laisse pas Shaitan te venir et te dire t'es un hypocrite. Tu t'es repenti, t'es un hypocrite, t'as fait ça et tu le refais. Tu lui réponds, j'ai fait ça et je le refais et je vais me repentir. Et je vais tenter de ne pas le refaire. Et si je le refais, j'ai un Seigneur qui pardonne les péchés. Et jamais tu ne me feras tomber dans le désespoir. Car j'ai un Seigneur qui pardonne tout. Car j'ai un Seigneur qui s'adresse à moi dans le Coran, le meilleur des miracles. Le miracle éternel. Il pardonne les péchés. Car j'ai un Seigneur qui a dit à ceux qui ont commis des fautes plus graves que les miennes, le polythéisme et la mécréance, s'ils arrêtent, je leur pardonnerai tout ce qui est passé. Allahu Akbar. Allah dit à ceux qui sont dans le shirk, dans le kufr, dans les pires péchés par lesquels Allah fut désobéi, il dit à son messager, dis-leur, s'ils arrêtent, s'ils se repentent, je leur efface tout ce qui est passé. Et toi, tu es un serviteur d'Allah. Tu poses ton front par terre pour Allah. Tu sors la zakat, tu pries pour Allah. Tu jeûnes pour Allah. Tu sors la zakat pour Allah. Tu fais le pèlerinage ou tu t'apprêtes à faire le pèlerinage pour Allah. Quand il y a un péché devant toi, tu dis j'ai peur d'Allah. Et quand tu commets une faute, tu dis astaghfirullah. Comment toi, Allah ne va pas te pardonner? Comment tu peux avoir cette opinion d'Allah Azza wa Jalla qu'Allah ne va pas te pardonner? Alors qu'ici, on s'adresse à ceux qui ont commis les pires des fautes. Et certains péchés pour certains serviteurs peuvent même devenir un bien. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, dit certains parmi les pieux prédécesseurs disaient certes, le serviteur commet une faute, par cette faute-là, il rentre au paradis. Et certes, le serviteur commet une bonne action, fait une bonne action, et par cette bonne action, il rentre en enfer. Les gens ont dit, comment est-ce possible? Ils ont dit, il commet une faute, puis il a honte d'Allah. Il ne cesse d'avoir honte d'Allah. Ça suscite en lui une humiliation. Son cœur se rabaisse pour Allah et ne se relève que le jour dernier. Alors il commence à rentrer dans des portes de la servitude qu'il ignorait. Al-inkisar. Wat-tadallul. Wal-khudu'. Il s'humilie à Allah. Il demande pardon à Allah. Il pleure pour Allah. Il pleure par crainte d'Allah et de son châtiment. Il perd tout orgueil, toute vanité, toute fatuité. Il ne cesse de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Alors Allah lui fait quitter ce bas monde, lavé de tout péché. À l'inverse, un autre fait des bonnes œuvres, puis il dit, moi j'ai fait, et moi, comme s'il avait ses deux premiers pieds au paradis, alors il se laisse aller, et Shaitan le détourne, le distrait, et le fait tomber dans le haram, et lui fait annuler toutes ses œuvres. Peut-être avec une faute, tu deviendras mieux. À l'image d'une personne qui a pris du retard, mais qui sait qu'elle a pris du retard, alors elle avance plus vite. Elle va même rattraper ceux qui l'ont précédé sans avoir pris ce retard. Voyons maintenant dans le Coran ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit au sujet de l'istighfar. Car les mérites de la demande de pardon sont indénombrables et seul Allah Azza wa Jalla connaît leur multitude et leurs diverses formes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre Wastaghfirullah Inna Allah ghafurur rahim et demandez pardon à Allah. Certes Allah est grand pardonneur, très miséricordieux. Il nous dit également Anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilay. Et demandez pardon à votre Seigneur puis repentez-vous à lui. C'est-à-dire, demandez pardon avec votre langue et repentez-vous à lui avec votre cœur. Quand on met ces deux termes-là, l'istighfar et tauba à côté, l'istighfar c'est avec la langue, le repentir c'est avec le cœur. Mais quand on n'en cite qu'un, ça englobe les deux. Ça englobe les deux. Donc parmi les mérites de l'istighfar, le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous ait ordonné cela. Donc celui qui demande pardon à Allah, c'est le vrai serviteur d'Allah, soumis à Allah, obéissant à Allah. Et l'istighfar, c'est une adoration, car tout ce qu'Allah ordonne dans la religion, c'est qu'il l'aime et l'agrée, c'est donc une adoration. Deuxièmement, Allah fait les éloges de ceux qui demandent pardon. Allah fait les éloges de ceux qui lui demandent pardon. Il nous dit dans son livre Wal mustaghfirina bil ashar, et ceux qui demandent pardon à Allah à la fin de la nuit. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala explique dans le tafsir du verset et d'autres que ce sont des gens qui ont passé une bonne partie de la nuit en prière et à la fin ils considèrent qu'ils n'ont pas assez bien adoré Allah, alors ils finissent par demander pardon à Allah pour ne pas l'avoir adoré comme il le mérite. Allahu Akbar. Si cela est l'agissement des serviteurs pieux d'Allah, qu'en est-il de ceux qui passent leur nuit dans le haram? Qu'en est-il de ceux qui délaissent la salat? Qu'en est-il de ceux qui transgressent, qui oppriment? Et j'en passe. As-salallahu yaghfira lana. Innahu al-ghafur rahim. Le bienfait suivant, al-istighfar min sifat al-muttaqin. La demande de pardon fait partie des caractéristiques des gens pieux. Et dans un grand verset de sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Et accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis vaste comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les gens pieux. Un paradis vaste comme les cieux et la terre qui a été préparé pour qui? Pour les gens pieux. Puis écoutez la description des gens pieux. Ceux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté, ceux qui contiennent leur rage, quand on leur fait du tort, ils se retiennent, ils contiennent leur rage. Ceux qui pardonnent aux gens, ils enlèvent cette rage carrément pour Allah, ils la délaissent et ils pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Ceux qui, lorsqu'ils commettent, écoutez bien, des turpitudes ou se commettent du tort sur leur propre personne, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et ils ne restent pas dans ces péchés-là alors qu'ils savent. À cela, Allah leur donnera en rétribution un pardon de la part de leur Seigneur et des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et quelle bonne récompense pour ceux qui agissent ainsi. Donc parmi la description des gens pieux, ils demandent pardon à Allah. Ils demandent pardon à Allah. La personne qui est pieuse, c'est pas celle qui est infaillible, qui fait jamais de péché. Mais elle se rappelle d'Allah. Elle regrette. Elle arrête. Parmi les grands mérites de la demande de pardon, le fait qu'Allah Azza wa Jal pardonne à celui qui lui demande pardon. قال الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Quiconque fait une faute ou se cause du tort puis demande pardon à Allah trouvera Allah grand pardonneur et très miséricordieux. Parmi les mérites de la demande de pardon à Allah, c'est que ça t'ouvre les portes de la subsistance, les portes de la richesse, les portes de la bénédiction, et ça repousse de toi la difficulté et l'affliction. Allah Azza wa Jal nous dit dans le prêche de Nuh alayhi salam, dans la sourate de ce nom, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Et j'ai dit à mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur, c'est certes le grand pardonneur, il fera descendre sur vous des pluies successives, et il vous accordera des biens, des richesses, des enfants, et il vous donnera des jardins, et il vous donnera des ruisseaux. Qu'avez-vous à ne pas estimer Allah comme il se doit? Donc en demandant pardon à Allah Azza wa Jal, tu obtiendras tout cela. C'est pour ça qu'un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri, il lui a dit, on se plaint de la pluie, il leur a dit, faites de l'istighfar. Vous voulez de la pluie? Demandez pardon à Allah. Un deuxième est venu, il lui a dit, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Il lui a dit, fais de l'istighfar. Fais de l'istighfar. Un autre est venu, il lui a dit, je me plains de la pauvreté. Il lui a dit, fais de l'istighfar. Celui qui était assis à ses côtés lui a dit, trois personnes ont posé une question différente, mais tu leur as fait la même réponse. Il lui a dit, je n'ai rien ajouté au livre d'Allah. Et il lui a récité ce verset. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant? Istaghfirillah. Tu n'arrives pas à avoir des richesses? Istaghfirillah. Tu te plains de la sécheresse, istaghfirullah, demande pardon pour les péchés. Et Allah Azza wa Jal t'enrichira. Et il te mettra la bénédiction dans le peu, et il te donnera le beaucoup. Tu as des problèmes chez toi, des soucis de couple, tu n'arrives pas à t'entendre avec les gens, istaghfirullah. Il n'y a pas un malheur qui nous touche sans que la cause ne soit un péché commis. Et il n'y a pas une délivrance qui nous vienne sans que la cause soit un repentir et une demande de pardon. Donc lorsqu'on se plaint des gens, en premier lieu, il faut se plaindre de nous-mêmes. En premier lieu, il faut se plaindre de nous-mêmes. Avec Al-Istighfar, Allah va te donner le bien, il va te renforcer. وَأَنِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إِلَيْكُ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. Al-Istighfar est la sunna des prophètes et des messagers qui nous sont précédés. Et de ceux qui les ont suivis avec excellence, parmi les auxiliaires et les immigrés. Voici Adam alayhi salam dans le Coran. Après avoir commis la faute avec Hawa, radiallahu anha, ils ont demandé à Allah, قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et voici Nuh alayhi salam qui dit, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Et voici Moussa عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Et voici Shu'aib عليه السلام واستغفر ربكم ثم توب إليه إن ربي رحيم ودود. Et voici صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Et voici Daoud alayhi salam فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Et voici Suleyman alayhi salam رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. Et voici le dernier et le meilleur des prophètes et messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ. Tous ces prophètes, on nous mentionne dans le Coran qu'ils demandaient pardon à Allah Azza wa Jal et invitaient leur peuple à cela. Adam alayhi salam, le père de l'humanité, a dit avec Hawa, ô notre Seigneur, nous avons commis du tort contre nos propres personnes et si tu ne nous pardonnes pas et n'as pas pitié de nous, nous serons certes du nombre des perdants. Et Nuh alayhi salam, ô mon Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et toute personne qui entrera chez moi en tant que croyant. Pardonne aux croyants et aux croyantes. Moussa alayhi salam, ô mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Il lui a donc pardonné. C'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Et Shu'aib dit à son peuple, demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Certes, mon Seigneur est très miséricordieux et très aimant, très affectueux. Ici, il y a une grande leçon. Regardez la parole, méditez la parole d'Allah ici, dans la da'wa de Shu'aib. Il leur dit, demandez pardon à votre Seigneur, repentez-vous, parce que vous avez des fautes, parce que vous avez fait du mal. Et à la fin, on finit le verset en disant, certes, mon Seigneur est très miséricordieux et il est wadoud. El wadoud, c'est celui qui aime ses serviteurs, qui a de l'affection pour ses serviteurs et qui est aimé par ses serviteurs. Mais là, c'est un contexte où on parle de péché. On parle des fautes. Quelle est la leçon ici? Tu t'es sauvé d'Allah. Tu t'es rapproché du shaitan. Tu t'es rapproché de l'enfer. Tu es le serviteur fuyard. Tu es le serviteur désobéissant. Allah a pu te détester pour cela. Mais maintenant que tu lui demandes pardon, Allah va t'aimer. Il ne va pas se contenter de t'effacer la faute. Il va te donner son amour. Alors que tu lui as désobéi, tu ne devais pas le faire. Alors que tu t'es sauvé de lui, alors que tu devais sauver vers lui. Allah va te couvrir. Et tu deviendras un bien-aimé de ton Seigneur après avoir été un serviteur fuyard, pécheur. Subhanallah. Ibn Adam, comme a dit le prophète alayhi salatu wasalam, quand il a annoncé que la plupart des habitants de l'enfer étaient les femmes, quelle est la cause? Les femmes sont la plupart des habitants du paradis, également la plupart des habitants de l'enfer. Quant à l'enfer, les femmes ont eu peur quand elles ont entendu ce hadith. Elles n'ont pas polémiqué comme certaines peuvent le faire parmi les contemporaines. Bima ya Rasulallah, pourquoi messager d'Allah? Pour, comme ça, elles s'éloignent de ces causes-là. Elles ont eu peur du feu de l'enfer. Il leur a dit, à cause des péchés de la langue et l'ingratitude envers vos époux. L'un d'entre eux vous fait du bien toute la vie. Le jour où il vous fait un mal, vous dites, je n'ai jamais vu de bien de toi. Je n'ai jamais été heureuse, tu ne m'as jamais fait du bien. Regardez l'ingratitude du fils de Adam. Tu lui fais du bien toute sa vie. Une fois tu lui fais un mal, il dit, je te pardonne pas jusqu'à Yom al-Qiyam. Combien de fois tu peux entendre ça? Je ne te parle plus jusqu'à Yom al-Qiyam. Tu es mon ennemi jusqu'à Yom al-Qiyam. Et il ne veut plus jamais accepter d'excuses. Parce qu'elle a fait une faute, il ne veut plus jamais lui pardonner. Parce qu'il a fait une faute, elle ne veut plus jamais lui pardonner. Son ami lui a fait une faute, il lui a fait du bien pendant 15 ans. Une fois il lui a fait une faute, une fois il l'a trahi, une fois il a succombé à la tentation. Il ne veut plus jamais avoir affaire à lui. Mais Allah, notre Seigneur, notre Maître, lui, tu peux faire des fautes pendant 1000 ans. Si une fois avant de mourir, tu dis Rabbi Ghfirli, il te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne, subhanallah. Et plus que ça, il te donne son amour. Wadud. C'est ça la sagesse d'avoir fini par ce nom sublime d'Allah. Et Salih a dit au mon peuple, demandez pardon, adorez votre Seigneur. Vous n'avez pas d'autre divinité ni d'être adoré en dehors de lui. Plus loin, il dit, et demandez-lui pardon et repentez-vous à lui. Certes, mon Seigneur est proche et il exauce les invocations. Regardez, comme on a dit pour El-Wadoud, ici pour Qarib, il est proche. Le pécheur, il est proche d'Allah? Non, mais en te repentant, Allah va te rapprocher de lui. Et si tu te rapproches de lui, il va se rapprocher de toi. Et plus tu accours vers Allah, plus il viendra vers toi. Subhanahu wa ta'ala. À toi de choisir la place que tu veux chez Allah. Il n'y a pas de lien avec Allah, avec l'origine, avec la couleur, avec la qualité sociale, la classe sociale, la richesse, la couleur. Na'am, non. Inna karamakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, le plus noble chez Allah, c'est le plus pieux. Daoud alayhi salam, il a demandé pardon à son Seigneur et il est tombé prosterné et il revenait vers Allah. Suleyman alayhi salam, ô mon Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi une royauté que tu n'accorderas plus personne après moi. Et voici le dernier, le meilleur des prophètes et des messagers, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a ordonné dans le Coran en lui disant, observe la droiture et demande pardon. Après avoir entendu tout cela, mes chers frères, écoutez la parole de votre Seigneur qui vous appelle d'au-dessus des 7 cieux, d'au-dessus de son trône, d'au-dessus des 7 cieux, d'au-dessus de la mer, d'au-dessus du Kursi, d'au-dessus du trône. Il vous dit, dans le meilleur des hadiths des gens du Sham, le hadith de Abu Dharr, le hadith que lorsque Abu Idris al-Khawlani, un des pieux prédécesseurs, voulait réciter, il tombait sur ses genoux. Il tombait sur ses genoux devant la lourdeur du hadith. Quel est ce hadith? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Allah le Très-Haut dit, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altu baynakum muharrama fala tadhalam. Ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice. Et les rendus proscrites entre vous. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. Ô vous, mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés. Demandez donc moi de vous nourrir. Je vous nourrirai. Vous êtes tous nus. Demandez donc moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Ya ibadi, إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Ô vous mes serviteurs, vous commettez des fautes, des péchés, des désobéissances, de jour comme de nuit. Demandez donc moi de vous pardonner et je vous pardonnerai. Allahu Akbar. Allah n'a pas besoin de toi. Allah n'a pas besoin de ses serviteurs. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Ô vous les serviteurs, vous êtes les besogneux chez Allah. Et Allah lui c'est le riche et c'est le digne de louange. S'il veut, il faut faire tous disparaître et vient avec une nouvelle création. Il n'a pas besoin de toi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Pourtant, Allah t'appelle parce qu'il aime le serviteur croyant, parce qu'il ne veut pas qu'il périsse, parce qu'il veut pour lui le paradis et ne veut pas pour lui l'enfer. Alors il l'appelle à revenir parce qu'il préfère te pardonner que de te châtier. Parce que sa miséricorde a pris le dessus sur ça, sur son courroux et sa colère. Le troisième volet de la conférence, parlons maintenant de l'istighfar dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Très nombreux sont les ahadiths qui nous vantent les mérites de l'istighfar et qui nous montrent comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam demandait pardon dans toute situation. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Al-Arab Al-Muzani, disait « Innahu la yuranu ala qalbi » une affliction qui touche mon cœur. Mon cœur se voile un peu. Alors je demande pardon à Allah 100 fois par jour. 100 fois par jour. T'as quelques soucis. Le prophète, il demandait 100 fois par jour. Il faisait 100 fois de l'istighfar. Pour Mada, que son cœur retrouve toute sa lumière et ne soit pas touché par les soucis. Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit que le prophète sallam a dit wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fi al-yawm akthara min 70 marra. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Abdullah ibn Busr nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit touba liman wajada fi sahifati istighfaran. Bonne nouvelle à celui qui trouvera, c'est-à-dire le jour de la résurrection, beaucoup de demandes de pardon dans ses feuillets. C'est-à-dire les anges écrivent tes bonnes et tes mauvaises œuvres et yawm al-qiyamah on va te remettre ton livre et il va être pesé sur la balance. Naam, ben bonne nouvelle, réussite, félicité et paradis à celui qui trouvera beaucoup de demandes de pardon dans ses feuillets. Et parmi les hadiths qui développent le plus l'espoir, c'est que Anas ibn Malik nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah le Très-Haut, le Prophète a dit, Allah le Très-Haut a dit, Yabna Adam, ô fils de Adam, إِنَّكَ مَدَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَبِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَبِهَا مَغْفِرَةً. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, Allah le Très-Haut dit, ô fils de Adam, si tes péchés avaient atteint, ou plutôt ô fils de Adam, tant que tu m'invoqueras et placera tes espoirs en moi, je te pardonnerai sans faire attention à ce que tu as fait. Ô fils de Adam, si tes péchés avaient atteint le sommet du ciel, puis que tu m'avais demandé pardon, je te pardonnerai sans prêter attention à ce que tu as fait. Ô fils de Adam, si tes péchés avaient atteint le sommet du ciel, puis que tu me demanderais pardon, je te pardonnerai sans faire attention à ce que tu as fait. Ô fils de Adam, si tu venais à moi avec l'étendue de tout ce que la terre peut supporter comme péché, mais sans rien m'avoir associé, sans faire de shirk, alors je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Toute la terre remplie de péché, tu ne fais pas de shirk, tu as une bonne croyance, tu as tawhid, tu as la ilaha illallah, tu concrétises ça, Allah te donne son pardon. Allah te donne son pardon. Le quatrième volet de la conférence, quelques paroles des pieux prédécesseurs. Comment étaient les compagnons? Comment étaient Al-Salafu Salih, les pieux prédécesseurs dans la demande de pardon? Abu Bakr et Omar étaient ceux qui avaient le plus peur d'Allah. Alors qu'un jour, ils étaient sur la montagne de Uhud, elle a tremblé, le prophète lui a dit, Uskun ya Uhud, tranquillise-toi, Uhud, tu n'as sur toi qu'un prophète, un très véridique et deux martyrs. Le très véridique, c'est Abu Bakr, le premier martyr, c'est Omar. On leur a annoncé le paradis. Et pourtant, ils avaient peur d'aller en enfer. Ils avaient peur d'aller en enfer. Et lorsque Aïcha était sur le point de décéder, on lui a dit « Bonne nouvelle à toi, tu étais l'épouse préférée du prophète. » Elle a dit « J'aurais tant aimé ne pas avoir existé. J'aurais tant aimé être yani, une chose insignifiante. » Abu Huraira, pareillement, il pleurait au moment de son décès. Ce sont ceux qui ont assisté le prophète dans sa mission, qui ont transmis le message et pourtant ils avaient peur du feu de l'enfer et demandaient pardon à Allah Azza wa Jal. Qatada, rahimahullah, un des pieux prédécesseurs, a dit « Inna hada al-Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. » Ce Qur'an vous indique quelle est votre maladie et quel est votre remède. Quant à votre maladie, al-dhunub, ce sont les péchés. Quant à votre remède, al-istighfar, la demande de pardon. La demande de pardon. Et Abu al-Minhal disait « Tu n'auras pas un meilleur voisin dans ta tombe que les sirfars. » Allahu Akbar. Tu n'auras pas un meilleur compagnon dans ta tombe que les sirfars. Un jour, Al-Hassan al-Basri était au cimetière. Il y avait un poète qui était un peu vulgaire et un peu détesté chez les gens de par son orgueil, sa fatuité. Il était extrêmement éloquent, mais il avait beaucoup d'erreurs et d'égarements. Il s'appelle Al-Farazdaq. Il est célèbre dans la littérature arabe. Et les gens ont regardé la scène, Al-Hassan al-Basri, un des plus pieux de son époque, et Al-Farazdaq. Et certains ont dit, subhanallah, dans la même réunion, le meilleur et le pire. Ça a touché Al-Farazdaq. Il était triste. Mais le grand savant Al-Hassan al-Basri est parti le voir et lui a dit, que t'arrive-t-il? Il lui a dit, t'as pas entendu ce qu'ils disent de moi? C'est humiliant cette parole. N'as-tu pas entendu ce qu'ils disent de moi? Parce que même le pécheur, les frères, pensez pas qu'il prend du plaisir. C'est le shaitan qui le fait tomber. Il souffre. Le premier péché, il l'a fait pour une jouissance. Le second, il l'a fait pour se soigner parce qu'il est dépendant. Que ce soit l'alcoolique, le drogué, le fornicateur, le voleur, et j'en passe. Ces gens-là sont dans la tristesse constante. Ils ont besoin que celui qui a été guidé vienne l'appeler et le sorte. Il faut avoir de la pitié envers ces gens-là. Avant de les détester pour Allah, pour leur péché, il faut avoir de la pitié pour ces gens-là. Al-Hassan al-Basri lui dit, دعك عن كلام الناس. Fais pas attention à ce que disent les gens. C'était au cimetière, il y avait un enterrement. Il lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé pour cette scène-là? Réponds-moi à cette question. Qu'est-ce que tu as préparé pour cette scène-là? Le jour où on va te mettre dans ta tombe. T'as préparé quoi pour ce jour-là? Il a réfléchi. Il a dit, j'ai pas préparé beaucoup de prières. J'ai pas préparé beaucoup de hasan. J'ai pas partie des gens pieux. Si ce n'est que j'ai préparé la ilaha illallah. Il lui a dit, si ce n'est que j'ai préparé là, il a illallah. Alors Al-Hassan al-Basri lui a dit, concrétise cette parole et ne fais pas attention à la parole des gens. C'est-à-dire, si tu es vraiment sur la ilallah, tu dois délaisser les péchés et tu dois te repentir. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ya Rasulallah, j'ai commis tous les péchés. Je n'ai laissé aucune faute, les grands et les petits. J'ai tout fait. C'est quoi la solution? Yani, il veut revenir vers Allah, il veut se repentir, il en a marre de vivre dans cette souffrance, dans cette dépendance. Il a marre d'être l'esclave du shaitan. Il a mal d'être enchaîné par ses passions. Il a mal de vivre cette vie de débauché, cette vie délétère qui attente à sa santé, à son âme et à son corps. Il a mal d'être la risée et d'être humilié, d'être critiqué et d'être évité. Il veut sortir de ses ténèbres et rentrer dans la lumière. Il veut sortir de cette ignorance et rentrer dans la connaissance. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit de cesser ses fautes et de faire beaucoup de bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Et là cet homme lui a dit, et est-ce que la ilaha illallah fait partie des bonnes œuvres? Et là le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu en nous donnant à tous un trésor. Il lui a dit, mais plutôt la ilaha illallah est la meilleure des hasanat. Allahu Akbar. Un homme est venu voir le prophète alayhi salat wa salam, il lui a dit, ya Rasulallah, je suis rentré dans un des jardins chez les Ansar, et il y avait une femme, et j'ai fait avec elle tout ce que l'homme fait avec son épouse, sauf que je n'ai pas commis la fornication. Qu'est-ce que je peux faire? Le prophète alayhi salat wa salam l'a laissé. Puis Allah lui a fait la révélation, innal hasanat yudhibuna sayyi'at. Certes, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Il a dit, où est le questionneur? Il a dit, moi, messager d'Allah. Il lui a dit, est-ce que tu as prié la prière du Asr qui venait de passer? Est-ce que tu as prié avec nous? Il lui a dit oui. Il lui a dit, alors par Allah, t'as pardonné. Allahu Akbar. Regardez la douceur dans le prêtre du prophète. Regardez la rahma. C'est de cette rahma là qu'ont besoin les gens. Si tu parles à tes enfants, ils sont loin, ils se sont fait avoir par la société, ils se sont fait avoir par les shayatin, parmi les humains et parmi les djinns. C'est ce prêche là qu'il te faut lui avoir, pas le frapper, le virer seulement. Et si la femme elle ne connaît pas encore le din, si les parents, si les enfants, si les voisins, si les amis, le frère et la sœur, fais leur aimer le din. Viens avec ce prêche là, ce prêche de miséricorde, de pitié. Dis-lui, fais la prière, Allah va te pardonner, Allah pardonne tout. Fais un effort et Allah Azza wa Jal va te donner, t'es un Seigneur qui pardonne tout. Fais-leur développer cet espoir-là. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit à cette personne-là? Subhanallah. Rassem lui dit, t'as prié avec nous? Il voit son état, il voit qu'il est repentant déjà, il regrette. Alors il l'aide pas Shaitan contre lui, non. Il le fait, il l'aide pour venir vers Allah. Il lui dit, t'as prié avec nous? Oui. Il lui dit, pars. Allah t'a pardonné. Puis il a dit le verset. Certes, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Et là, les compagnons, quand ils ont entendu ça, ils ont dit à la soeur, est-ce que ce verset c'est que pour lui ou pour nous tous? Allahu Akbar, regardez le tamar du fils d'Adam, l'envie, la convoitise de ce qu'Allah a. Il a dit non, c'est pour tout le monde. Jusqu'à Yom Al-Qiyam, c'est pour tout le monde. T'as fait une faute, si tu fais du bien derrière, Allah t'efface. Et le meilleur bien à faire, c'est la demande de pardon déjà, et le repentir. Puis tu fais des hasanat. Tu fais des hasanat. Ceux qui avant ont volé, ceux qui avant ont fait du riba, ils se repentent, puis ils font beaucoup de sadaqat. Quel que soit le péché. Naam, tu reviens à Allah Azza wa Jal, Allah t'accueille, pardonneur et grand miséricordieux. Il fut dit que le shaytan a dit, Ibn Adam, je l'ai eu par toutes les portes, je l'ai séduit et je l'ai trompé. Mais il y a une seule porte par laquelle il m'a détruit et a détruit tout ce que j'ai construit. C'est la demande de pardon. Alors je lui ai ouvert une porte à travers laquelle il ne demandera pas le pardon parce qu'il pensera qu'il fait le bien. C'est la porte des passions et de l'innovation. Il pensera qu'il fait le bien. Donc il ne demandera pas pardon. Et Shaytan a dit, « Wa izzatik wa jalalik, je jure par ta puissance, ta munificence, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. » Allah lui répond, « Wa izzati, wa jalali, wa kibriyai. Je jure par ma puissance, ma munificence et ma domination totale, ma grandeur, que je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. » La demande de pardon, c'est à l'image d'un homme qui est face à une montagne. Cette montagne-là, il a peur qu'elle s'écroule sur lui à tout instant. Et il n'a plus aucun échappatoire. Il n'a plus le temps de quitter cet endroit. Qu'il aille à droite, à gauche, qu'il rebrouche chemin, cette montagne s'écroulera sur lui. Et on lui dit, la seule solution pour qu'elle ne t'atteigne pas et qu'elle reste maintenue, c'est de demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Et on est tous ce serviteur au pied de cette montagne. Qu'allons-nous donc faire en ces derniers jours du mois de Ramadan? Qu'allons-nous montrer à notre Seigneur qui nous a invités dans le meilleur endroit au monde, dans les meilleures nuits au monde, dans laquelle on recherche la meilleure nuit du monde, où il nous a été légiféré une dua. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Ou Allah, tu es absoluteur. Tu aimes absoudre les fautes de tes serviteurs. Absous donc mes fautes. C'est ce qu'a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa bien-aimée, à son épouse préférée, de dire si elle trouve Laylatul Qadr. Il te faut avoir cette croyance qu'Allah Azza wa Jal pardonne toutes les fautes. Et il te faut savoir que Astaghfirullah, c'est une parole qui peut détruire tous les péchés, sans exception. Ça peut détruire tous les péchés, sans exception. Imaginez un homme qui a vécu 90 ans. Et depuis sa naissance, il est dans le haram. Tous les péchés, il les a faits. Craignez pas Allah. Et à 90 ans, deux jours avant sa mort, il revoit sa vie, il regrette, il demande pardon à Allah, il dit Astaghfirullah. Vous voyez, ces 90 années passées, Allah lui efface tout. Il lui efface tout. Un des plus prédécesseurs a vu un homme, il lui a dit, t'as quel âge? Il lui a dit 60 ans. Il lui a dit, tu ne sais pas que tu es en voyage et il s'en faut de peu pour que tu atteignes ta destination, c'est-à-dire la mort, la tombe, l'au-delà. L'homme a dit, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah qu'on appartient, c'est vers lui que se fera notre retour. Il lui a dit, tu sais ce que ça veut dire cette doua? Il lui a dit non. Il lui a dit, inna lillah, ça veut dire que tu es serviteur d'Allah, tu lui appartiens. Wa inna ilayhi raji'un, ça veut dire que quand tu vas mourir, tu vas retourner vers lui. Et sache que si tu meurs, tu vas être retourné vers lui. Et sache que s'il te fait retourner vers lui, c'est pour t'interroger et te juger. Alors prépare les réponses et prépare les bonnes. Il lui a dit, c'est quoi le salut? C'est quoi la solution? Il lui a dit, demande pardon à Allah et agis bien pour le futur. Il te pardonnera tout ce qui est passé et te récompensera pour tout ce qui est passé et à venir. Par contre, si tu restes sur ça, il va te châtier pour tout ce qui est passé et tout ce qui est à venir. C'est ça la solution, frère. C'est arrêter, c'est se réformer, c'est se corriger, c'est cesser les mauvaises fréquentations, c'est s'éloigner des causes et des endroits de mal, c'est fréquenter les gens de bien, c'est apprendre sa religion, avoir un lien avec le Coran, la parole d'Allah, pour soigner son cœur de tous les malheurs, de toutes les pandémies, les épidémies. Soigne ton cœur avec le Coran, apprends la science, viens dans les assises de science, inscris-toi au cours, en famille. Rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ça, Allah efface tous tes péchés, les péchés d'une vie entière. Allah te dit, wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde a embrassé toute chose. Toute chose, sans exception. Mais je vais l'inscrire à ceux qui me craignent. Donc il te faut faire partie des gens qui craignent Allah azza wa jalla. Et remarquez qu'à la fin de chaque bonne action, nous a légiféré les sirfar. À la fin de la prière, le prophète sallam disait quoi? Avant de se retourner, il disait trois fois quelle parole? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pendant le hajj, après l'ifada, après ça. Astaghfirullah. Là, dans le Coran, nous ordonne de faire quoi? D'istighfar. À la fin de la prière de nuit, wal mustaghfirina bil ashar. Istighfar encore. Madha, dans beaucoup d'adorations, les plus prédécesseurs se préparaient pour jeûner 6 mois en avance. Et ensuite, pendant 6 mois, ils demandaient pardon à Allah Azzawajal pour ne pas avoir assez bien fait. Et tu dois attacher les sirfars au tawhid, à la ilaha illallah. Tu dois avoir la conviction ferme que seul Allah pardonne les fautes et qu'Allah aime pardonner, qu'il est pardonneur et miséricordieux. Et retenez bien qu'Allah azzawajal ne se contente pas de vous pardonner, mais il se réjouit du repentir de son serviteur. Plus que le serviteur se réjouit d'être dans un désert avec sa monture, sur elle ses provisions, sa boisson, mais cette monture se sauve et il la perd, alors il se met au pied d'un arbre, il attend la mort. Il s'assoupit, il se réveille, il voit sa monture. Tellement il est heureux, il revoit la vie après la mort. Il dit, oh mon, sa langue fourche et dit, oh mon serviteur, ou plutôt, ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Et sa langue a fourché par excès de joie. Allah se réjouit de ton repentir. Où vous avez vu, où avez-vous vu un Seigneur puissant, dominateur, qui n'a besoin aucunement de ses serviteurs, qui appelle ses serviteurs à se repentir? Ensuite, il se réjouit de leur repentir, il leur efface leurs fautes et en plus, il les aime après. Où tu vas trouver un Seigneur comme ça, subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Dhalikum Allahu Rabbukum. Voici Allah votre Seigneur. Apprenez à connaître Allah, subhanahu wa ta'ala. Et wallah, il y aura un incendie dans votre cœur de toutes les passions, de tous les péchés. Rien ne subsistera face à cette force de tawhid, à cette connaissance des noms et des attributs d'Allah qui resplendira dans votre cœur, donc sur votre langue, donc sur vos membres, jusqu'à ce que vous rencontrez Allah subhanahu wa ta'ala avec sa satisfaction, inshallah subhanahu wa ta'ala. Donc rappelle-toi ces conseils et on est tous ce serviteur-là. Allah azza wa jalla est plus grand que tout. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne et si on demande pardon, c'est pour nous-mêmes. Et ne dis pas, oui, mais si j'arrête ce péché, si j'arrête de vendre, si j'arrête ce travail, comment je vais manger, comment? Ya akhi, si tu crains Allah, wa man yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Quiconque craint Allah, il lui accordera une facilité dans toutes ses affaires. Il donnera sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. C'est pour cela que beaucoup de gens, après le hajj, Allah azzawajal les enrichit. Allah azzawajal les marie. Allah azzawajal leur donne des enfants. Allah leur donne la prospérité. Allah leur donne la richesse. C'est connu, c'est observé. Des pauvres qui n'avaient pas un sou pour faire ceci ou cela ou pour honorer leur famille. Peut-être qu'ils souffraient de ne pas pouvoir combler leurs enfants, épouses et parents et autres. Puis Allah Azza wa Jalla leur a donné et leur a ouvert les portes de la subsistance suite à un hajj, suite à une umrah, suite à une dua, suite à un repentir. Et cela n'est aucunement difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais beaucoup d'istighfar et enseigne à ta famille l'istighfar. Pour conclure, mes très chers frères, ou avant une dernière information, on a cité qu'Allah Azzawajal t'a invité au repentir. T'as ordonné le repentir, la demande de pardon. Puis il accueille ta demande de pardon. Puis il t'efface tes péchés. Il te rapproche de lui. Il se réjouit. Il t'aime. Il t'efface tout ça. Et là, on va citer une chose qui n'a jamais traversé notre esprit si Allah ne l'avait pas cité dans le Coran et le prophète dans la Sunna. Dans Sourate Al-Furqan, dans la description des serviteurs du Tout Miséricordieux, qui commence par تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Plus loin, Allah عز وجل nous dit sur l'autre page. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ceux qui n'associent rien à Allah et ne commettent pas le meurtre ni la fornication, exception faite, bien celui qui rencontre Allah avec cela le rencontrera en pécheur. À l'exception de ceux qui se repentent, qui ont la foi et font de bonnes œuvres. Écoutez bien la suite. Vous avez entendu les péchés qu'on vient de mentionner, ce sont les pires péchés. Mais celui qui se repent, Allah dit ensuite, selon la traduction des sens du verset, à ceux-là, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah va transformer tous leurs péchés en bonnes actions. Allahu Akbar. Tous les péchés, Allah les transforme en bonnes actions. Vers quel Seigneur allons-nous aller après avoir entendu ça? Qui peut se dire après ça, je ne vais pas me repentir? Qui peut se dire après ça, c'est trop dur, je n'y arriverai pas? Qui après ça peut rester avec son pacte avec Shaitan, enchaîné, avili à lui, comme s'il était tenu en laisse, dirigé dans tous les abîmes de la désobéissance et de la perversion, esclave de ses passions et de ses péchés, qui ne veut pas sortir vers la lumière, vers l'honorable qualité de serviteur d'Allah Azza wa Jalla, qui ne veut pas rentrer dans les versets où Allah dit « Ô vous qui avez cru, ô vous les pieux, et Allah est avec les repentants, et Allah aime ceux qui se repentent beaucoup, et Allah est avec les endurants », qui ne veut pas rentrer dans ces versets? Et dans le hadith, et ça c'est en rapport avec nous, le prophète alayhi salat wa salam dit lorsque des gens se réunissent pour une assise de science, ils ne quittent pas cette assise avant qu'un héros, c'est-à-dire on a une personne qui appelle, d'accord, avant que celui qui appelle dise Anqoumou marfouran lakoum. Il y a une voix, c'est une réalité, on y croit, comme si on l'entendait. Il n'y a pas une assise de science avant qu'elle se termine sans qu'on dise levez-vous, lavez de vos péchés, pardonnez. Je vous ai pardonné et j'ai transformé vos péchés en hasan. Pour chaque assise de science, Allahu Akbar. Personne ne peut savoir l'étendue, la vasteté et la grandeur du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est lui. Si ce n'est lui. Fa'allah min anfusikum khayra. Montrez à Allah le meilleur de vous. Vous avez rendez-vous avec un roi omnipotent, dominateur suprême, pardonneur, qui sait tout de nous. qui a tout vu de nous, mais qui aime et se réjouit du repentir de ses serviteurs. On a rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Il nous reste que quelques nuits. Montre à Allah le meilleur de vous. Que tu sois un homme, une femme, que tu sois âgé, un enfant. Montre à Allah le meilleur de toi. On a assez ri, on a assez joué. Il faut finir ce Ramadan en beauté. Et le jour du Eid, le plus heureux ne sera pas celui qui aura les plus beaux vêtements, les plus neufs, mais celui qui sera lavé de tout péché et qui aura un cœur neuf. De par le repentir, de par la demande de pardon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Allah nous dit dans le Coran, et on rapprochera le paradis pour les gens pieux. On rapprochera le paradis pour les gens pieux. Il sera non loin d'eux. Voici ce qui vous a été promis pour tout serviteur qui revient fréquemment et constamment vers Allah. Il revient régulièrement vers Allah. Na'am, il revient constamment et régulièrement vers Allah et il préserve les prescriptions d'Allah. Celui qui craignait Allah sans être vu et qui vient à Allah avec un cœur qui revient à Allah. C'est pour vous que ce paradis a été préparé. C'est pour vous qu'Allah Azza wa Jal a préparé ce paradis. جعل الله سبحانه وتعالى وإياكم من المستغفرين. Puisse Allah Azza wa Jal nous joindre tous ensemble au nombre de ceux qui se repentent. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولذرياتنا. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات. اللهم ادخلنا الجنة. اللهم أعذنا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأصحابنا. اللهم اغفر لعلمائنا. اللهم اغفر لعلمائنا. اللهم اغفر لكل من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل من كان دليلا وسببا في هدايتنا واستقامتنا وطلبنا للعلم وحبك وحب نبيك. اللهم إنا نتوسل إليك بحبك وبحب ثم بحب نبيك. اللهم إنا نتوسل إليك بحبك ثم بحب نبيك لأن تغفر لنا أجمعين. اللهم أنت القائل ولله الأسماء الحسنى فندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. وأنت الغفور الرحيم الغفار وأنت أرحم الراحمين وعلى كل شيء قدير. وأنت اللطيف الرحيم. أن تغفر لنا أجمعين وأن تدخلنا الجنة وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف أم عبد الله. اللهم اشف أم محمد. اللهم اشف أمهات المسلمين. اللهم اشف آبائنا. اللهم اشف بناتنا. اللهم اشف بناتنا. اللهم رب الناس عندي البأس. اللهم اشف بنتي. اللهم اشف بنات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف زوجاتنا. اللهم اشف زوجاتي. اللهم اشف زوج ابراهيم. اللهم اشفي ولد صادق، اللهم اشفي زوجته، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اشفي المسلمين والمسلمات يا رب العالمين، اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا مرافقتنا بك في الجنة، والله أعلم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.